بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va expliquer aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va essayer de le faire de manière très résumée. On va expliquer une petite risala du Cheikh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Cette risala, elle s'appelle Sittat Mawadi' min as-Sirah. Sittat Mawadi' min as-Sirah. Si. Comment on pourrait dire? Six enseignements tirés de l'histoire du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Six enseignements tirés de l'histoire du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il va parler de six épisodes de la Sirah. Là, six choses qui seront passées dans la sirah du prophète et enseigner et en tirer des enseignements au niveau du tawhid. Le Cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala. Cette risala, on la trouve au début de Majmu'at al-Tawhid. Majmu'at al-Tawhid, c'est un livre en un volume qui rassemble des rasa'il, des épîtres et des livres des savants du Najd et de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et on retrouve cette risala même dans Al-Durar al-Saniya, Al-Durar al-Saniya, Al-Mujallad al-Samin, Ism al-Jihad, Safhad 11, on la trouve aussi dans Al-Durar al-Saniya, le volume 8, et la page 111. Il dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, Ta'ammal, rahimakallah, sittata mawadi' min as-sirah, wafhamha, فهما جيدا حسنا. Il dit le Cheikh, médite ou réfléchis, qu'Allah te fasse miséricorde. Amin. Inch'Allah, la dua du Cheikh, elle est mustajab, elle est acceptée. Il dit, médite ou réfléchis, qu'Allah te fasse miséricorde sur ces six points de la sirah de l'histoire du prophète. Et comprends-la d'une compréhension, d'une bonne compréhension. Comprends-la bien. لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُفْهِمَكَ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ يُفَهِّمَكَ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَلِتَتَّبِعَهُ وَدِينَ الْمُشْرِكِينَ لِتَتْرُكَهُ. Lorsque tu auras compris ces six points de l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu connaîtras la religion des prophètes, afin de la suivre. Et tu connaîtras la religion des mushrikines, afin de t'en écarter. Donc on voit déjà que le sujet est extrêmement important. Extrêmement important. Et c'est le sujet le plus important à l'itlaq. C'est le sujet du tawhid. Le sujet de faire la différence entre le tawhid et le shirk. Entre la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion des mushrikines de Quraysh. La religion des mushrikines de Quraysh. Et tout le Coran est sur ce sujet-là. Tout le Coran, particulièrement le Coran al-Makki, le Coran qui est descendu à la Mecque, il est sur cette question-là. 13 ans de mujadala, d'argumentation avec les mushrikines sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, ça s'est pas limité à cette période-là, mais c'est, on l'a déjà dit, on le répète, c'est une lutte, c'est une guerre, qui a commencé entre Adam et Iblis, qui a commencé lorsque le shirk est apparu dans le peuple de Nuh, alayhi salam, qui a continué lors de tous les prophètes, il a continué, cette lutte, elle a continué entre Ibrahim, alayhi salam, et son peuple qui l'ont jeté dans le feu, elle a continué avec Lot, alayhi salam, et son peuple, al-Kafara, al-Yatiya. Elle a eu lieu entre, c'est la lutte qui s'est passée entre Moussa et Pharaon. C'est la lutte qui a eu entre Bani Israël et Isa ibn Maryam alayhi salam. C'est la lutte pour laquelle le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a patienté et a souffert, a fait le hijra, a combattu, a été blessé le jour de Uhud. C'est la lutte pour lequel Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a combattu les murtadines. C'est la lutte pour laquelle Ali ibn Abi Talib a brûlé vif Ar-Rawafid devant la mosquée de Koufa. C'est la lutte qui continue aujourd'hui jusqu'à notre époque, dans chaque lieu, à chaque instant, entre l'islam et le shirk, entre le tawhid et dhulumat al-shirk, entre les mouahidines et entre les tawhid et les mushrikines. Nas'Allah yansura l'islam wal muslimin wa yumakkina mouahidina fil ويعد من الموحدين لا يفهم معنى هذه الستة كما ينبغي. La plupart des gens qui prétendent à la religion ou qui se comptent parmi les mouahidines ne comprennent pas ces six points comme il faudrait. الموضع الأول, le premier épisode ou le premier enseignement. قصة نزول الوحي. Le premier, l'histoire de la descente de la révélation. C'est-à-dire là, il nous ramène, le cheikh Mohammed, rahimahullah ta'ala, il nous ramène au moment où Allah, azza wa jal, il a fait miséricorde à l'humanité en donnant le message à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé avant Mohammed? Il nous rapportait dans un hadith, dans un sahih muslim, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, إن الله نظر لأهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allah, il a regardé les gens de la terre. Et il s'est tous mis en colère contre eux. Il les a détestés. Jahiliya, dhulumat, shirk, wakuf, wakurba. Illa baqaya min ahli al-kitab, sauf un petit groupe de gens du livre. Des gens qui étaient encore sur la religion des prophètes, des gens qui étaient encore sur le tawhid d'Allah, Azza wa Jal. Parmi eux, il y a le Khunafa, à Mecca, les gens du tawhid à Mecca, comme Zayd ibn Amr ibn Fayl, etc. Puis il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rahmatan lil alamin, nabiyul rahma wa nabiyul malhama. Il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde pour les mondes. Le prophète de la miséricorde et le prophète de la bataille. Des grandes batailles. Il dit, wa fiha anna awwal ayatin arsalahu Allahu biha, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujafa fahjur, wa la tamnu tastakthir, wa li rabbika fasbir. Et il nous cite le verset qu'Allah, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le verset, le début de Surat al-Mudathir, le début de Surat al-Mudathir, le verset 1 à 7, dans lequel dit, Ya ayyuhal Mudathir, ô toi le revêtu d'un manteau, ô toi l'enveloppé plutôt, lève-toi et avertis. Lève-toi et avertis. Averti de quoi? Le cheikh lui-même répond à cette question-là dans son tafsir et aussi dans le sourate Thalaza. Yunziru an al-shirk, et de l'eau il a tawhid. Il les avertit du shirk. C'est-à-dire qu'il est venu à Quraysh en leur disant, vous faites du shirk. Vous êtes des mushrikines. Vous adorez d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk de Quraysh, on l'a déjà vu. Il est clair dans le Coran et il est sous plusieurs aspects. Le fait qu'ils prenaient les pieux comme intercesseurs avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils les adoraient pour qu'ils les rapprochent d'Allah. On l'a déjà vu. Lorsqu'ils disaient, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et le deuxième shirk de Quraysh, qui était le shirk aussi des juifs et des chrétiens, c'était le shirk dans le tashri' et dans l'obéissance. Allah ta'ala. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Si vous leur obéissez, vous serez des mushrikines. et toutes ces bid'a mutaffira, et toutes ces tashri'at, ces législations qu'ils avaient faites, en falsifiant la religion d'Ibrahim alayhissalam en ce qui concerne les bêtes, comme vous le dites dans le Coran, dans Sourate Al-An'am par exemple. Essentiel, le cheikh, il veut nous attirer l'attention sur un point précis lorsqu'il dit: فَإِذَا فَهَمْتَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً يَعْرِفُونَ أَنَّهَا مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ مِثْلَ الزِّنَا وَغَيْرِهِ. Tu sauras que les mushrikines, ils faisaient beaucoup de choses, et ils savaient le péché, c'est-à-dire, et ils savaient que c'était de l'injustice et de l'agression, comme par exemple la zina. Les mushrikines, le Quraysh, savaient très bien que la zina, c'est une mauvaise chose, hein, l'adultère et la fornication. عرفت ايضا انهم يفعلون اشياء كثيره من العبادات. Mais tu sauras aussi que les kuffar de Quraysh, ils faisaient beaucoup d'adorations. Lesquelles? يتقربون بها الى الله, par lequel ils se rapprochaient d'Allah. Non? مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين. Quraysh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le hajj. Ils faisaient aussi al-umra. Et ils faisaient aussi des sadaqat. Ils faisaient l'aumône, aux pauvres. Non? والإحسان إليهم. Il faisait de la bienfaisance aussi aux pauvres et d'autres choses que cela. Mais le plus important des adorations pour eux et des actes de bien, c'était quoi? La meilleure chose pour eux, c'était quoi? C'était le shirk. C'était adorer les pieux. C'était une bonne chose pour eux. C'est la meilleure chose pour eux qui les rapprochait d'Allah. مَا نَعْبُدُهُمَ اللَّهِ يُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. نعم. Il le dit d'ailleurs après, كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et nous les adorons, c'est-à-dire les idoles, les pieux, les statues, les pierres, etc., les arbres même, pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Les anges, etc., etc. D'accord? Leur shirk, il est dans le fait, on a déjà vu ça, qu'ils adoraient des choses pour qu'ils les rapprochent d'Allah. Comme intercesseur, comme intermédiaire. On a vu dans la deuxième annulation de l'islam. Ça, c'est dans Sourate Az-Zumar, le verset 3. Et il disait aussi, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Et il disait, ceux-là sont nos intercesseurs, auprès d'Allah. وقال, إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Et il disait à propos d'eux dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, le verset 30, il disait, à propos des kuffars, ils ont certes pris les démons comme alliés en dehors d'Allah, alors qu'ils pensent être bien guidés. Qu'est-ce que ça signifie? Alors qu'ils pensent être bien guidés. Et vous nous attirez l'intention sur quoi le chef ici? Pourquoi les mushrikines de Quraysh, ils se disaient pas kuffar, comme les mushrikines de notre époque? Et ils faisaient pas le shirk en disant, ça, c'est du shirk, on est en rébellion contre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, et on fait ça par rébellion, comme ça. Bon. Ils faisaient tout ça pour se rapprocher d'Allah. En pensant que ça, c'était aimé par Allah. Le shirk. Et ils faisaient aussi des actes de bien. Vous ne croyez pas que les mushrikines, à l'époque de Quraysh, ils faisaient que du mal. Ils faisaient aussi des actes de bien. D'accord? Ça signifie cela qu'aujourd'hui les mouchilkines, parmi les adorateurs de tombes, Arraf, Soufis, les démocrates, les imaniens, les laïcs, etc., etc., ces gens-là quoi? Eux aussi font des actes de bien. Vous les verrez dans les mosquées prier. Vous verrez les tawarites imprimer le Coran. D'accord? Vous verrez les gens qui vont sur les tombes sacrifier en dehors d'Allah, ils pensent que tout ça c'est une chose qui est aimée par Allah ou pas? Ils le font en rébellion contre Allah, non? Donc le kufr, contrairement à ce qui concerne ce qu'ils disent Al-Jahmiya, les héritiers d'un homme de mal qui est sorti dans le premier siècle de l'islam qui s'appelle Jahm ibn Safwan, les héritiers de Jahm ibn Safwan à notre époque, ils disent que la mécréance, ce n'est que Al-Juhud Al-Qalbi, le reniement du cœur. Hein? Et d'autres disent la mécréance, c'est quoi? C'est le fait de rejeter et de se rebeller après que la preuve soit venue. On leur demande, est-ce que ça c'est la mécréance de Quraysh? Est-ce que ça c'est la mécréance des juifs et des chrétiens? C'est pour ça que leur parole, celle-là, implique l'islam, les kuffars de Quraysh et implique l'islam, les juifs et les chrétiens. Et ça, c'est du kuffar. Est-ce que vous m'avez bien compris? Tout comme l'iman, ce n'est pas seulement le fait d'avoir foi en Allah, les Quraysh, ils avaient foi en Allah, à la seigneurie d'Allah. Comme l'iman, ce n'est pas seulement le fait de faire des actes de bien pour se rapprocher d'Allah, c'est le fait en nous d'avoir le tawhid, de ne croire au tawhid, de se désavouer du shirk et des mushrikins, et après, inshallah, le reste suit, la salat, les actes de bien, le salat. قال فأول ما أمره به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de quel le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis en garde, c'est quoi? Avant la fornication, avant le vol, avant toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est le shirk. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le cheikh Mohammed? C'est que si tu as bien compris la sirah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu as compris que l'alcool, il a été interdit qu'à Médine, il a été interdit qu'à Médine, après 13 ans, plus de 13 ans de révélation, et que les peines prescrites, elles ont été légiférées que longtemps après, que même la salat, elle a été légiférée que l'isra, tu sauras que quoi? Que le plus important, c'est d'appeler les gens de tawhid, et les mettre en garde contre le shirk. Et mettre en garde contre le shirk. Et qu'avant de parler de toute chose dans ta da'wah, avant de t'intéresser à toute chose dans ta vie de tous les jours, ou de juger les gens même, puisque c'est légiféré de juger les gens, et il faut les juger d'abord sur cette balance-là. La balance du tawhid et du shirk. La balance de l'islam et du kufr. Et lorsque tu fais da'wah à une personne, tu commences par le mettre en garde contre le shirk. Tu ne parles ni de géopolitique, ni du dajjal, ni que la cigarette c'est haram, ni que non, tu lui parles du tawhid et du shirk. Qu'ils comprennent la ilaha illallah, qu'ils comprennent que la ilaha illallah, il a des shurut et des nawaqid, c'est avec ça, des conditions et des annulations, et c'est qu'avec ça que tous les prophètes sont venus. وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم ما نريد منهم إلا شفاعتهم ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها فإذا أحكمت هذه المسألة فيا بشراك خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من صلاة الخمس ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بالسنتين فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. Ensuite le cheikh رحمه الله il dit un grand enseignement, il dit quoi? Il dit, et si tu sais, et il faut que tu saches aussi que parmi les mushrikines, il y en a qui adoraient les statues, et il y en a qui adoraient les anges. Et il y en a qui adoraient les pieux parmi les fils de Adam. Tout ça, c'était la religion des mushrikins à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ils adoraient pas les démons. Ils adoraient pas seulement les démons, on va dire. Ou les pierres. C'est faux de présenter ça comme ça. Ils adoraient aussi les pieux, les anges, les hommes pieux du peuple de Nuh, etc., etc., etc. Hein? Comme les adorateurs de tombes à notre époque, comme les soufis, Il dit, malgré cela, Il a commencé par avertir contre cela, c'est-à-dire contre le shirk, dès qu'Allah l'a envoyé. Si tu as su et compris cette question-là, faya bushrak, je te donne la bonne nouvelle. Donc voilà, tu as compris une grande chose que beaucoup de gens ils n'ont pas compris. Donc voilà, le tawhid et l'interdiction et le fait d'avertir contre le shirk, c'est ça qui est descendu en premier. Et c'est ça par quoi on doit commencer dans la da'wa, avant toute chose. Surtout si tu as su que le tawhid et l'avertissement contre le shirk est plus important que les cinq salats qui n'ont été rendus obligatoires que lors du voyage nocturne, la nuit de l'Isra, sanat ashar, la dixième année de la prophétie. Vous voyez, il s'est passé 10 ans. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans avant que la salat soit légiférée par Allah? Nous dit le shirk, tout ça, c'est après que les musulmans, ils aient été assiégés dans les montagnes. Ils aient été assiégés. C'est-à-dire que vous connaissez dans la Sira, les mouchriquins, à un moment, ils leur ont fait hein, ce qu'on appelle un boycott. D'accord ? À Beni Hashim. Au clan du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils défendaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même les mouchriquins parmi eux, sa tribu, ils les ont boycottés, interdits de faire du commerce avec eux, de leur vendre de la nourriture, de faire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit. En fait, il y a eu, ça a été très très dur pendant un moment, pour les musulmans. Il y a eu une famine très dure, etc., etc. Vous connaissez cet épisode de la Sira. On va pas rentrer dans les détails. Mais réfléchissez. Réfléchissez. Que ça, c'était avant que la salat soit obligatoire. Pourquoi ils les ont assiégés, les mouchriquins? Ils les ont assiégés à cause du tawhid. Ils les ont assiégés parce qu'ils ont dénoncé leur tawhid. Ils les ont assiégés parce qu'ils leur ont dit, qu'il y a, ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Hein? Pour vous, les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez à cause du takfir. Le pauvre de Tarot et de l'Iman Billah, hein, de l'Ouala ou Al-Bara. Ça, ça a été légiféré d'entrée. C'est de ça qu'on parle. Et ils les ont assiégés à cause du fait qu'ils aient dit quoi? Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Que périsse les deux mains d'Abu Lahab, qui est parmi les notables de Quraysh, parmi les Tawarites de Quraysh. Vous voyez? Il a été dénoncé nommément dans une des premières sourates du Coran. وبعد هجرة الحبشة بالسنتين. Tout cela, la salat, elle a été rendue obligatoire aussi. Après la hijra al-Habasha, la première hijra, elle a eu lieu, al-Habasha, en Abyssinie, actuelle Éthiopie, Somalie, là. Pourquoi ils ont fait le hijra? Il va l'expliquer après. À cause du tawhid, à cause du kufr al-Tarut. Ils ont été persécutés à cause du kufr al-Tarut. Persécutés jusqu'à ce que les faibles, qui n'avaient pas de clan pour les protéger, et d'autres, parce qu'il y avait Ja'far ibn Abi Talib parmi eux, radiallahu anhu, qui était en quelque sorte leur émir dans cette hijra, ils ont fait le hijra vers le Habasha, la première hijra. Hein? Ensuite, je finis. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ وَالْعَدَاوَةَ الْبَالِغَةَ Si tu as su que toutes ces choses-là, et l'inimité, la grande inimité qui s'est établie entre, c'est-à-dire entre les musulmans et les mouchriquins, hein? كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَ Tout cela, c'est à cause de cette chose seulement. Quoi? الْإِنْظَارُ عَلَى الشِّرْكِ Le fait d'avertir les gens contre le shirk. Et tout cela avant que la salat soit rendue obligatoire. J'espère que tu as compris cette question, il dit le shirk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as compris cela, tu as su que si tu es sur le tawhid, le vrai tawhid, hein, tu vas subir tôt ou tard la persécution qui a été subie par les prophètes. Et si tu veux connaître l'alim al-rabbani ou al-muwahid, le savant seigneurial qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui appelle la religion d'Allah, qui appelle le tawhid des prophètes, regarde, est-ce qu'il lui est arrivé la même chose que l'anbiya ou al-mursalin, hein? Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les premiers prophètes. Al-mawda' al-thani. Le deuxième enseignement. أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه. La deuxième, le deuxième enseignement, prêtez attention, c'est extrêmement important, comme le premier. Lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a commencé à les mettre en garde contre le shirk. Et alors ordonner l'inverse du shirk qui est le tawhid. Ils n'ont pas détesté cela. Mais ils ont même trouvé cela bien. Et ils ont commencé à parler entre eux du fait de se parler à eux-mêmes littéralement, c'est-à-dire de, ils ont eu l'envie de rentrer dans cela. Le tawhid, ça leur a plu, dans un premier temps. Il a ansarraha bisabbidinihim. Jusqu'à ce qu'il ait insulté leur dîn. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait commencé à insulter leur dîn. Jusqu'à ce qu'il ait commencé à insulter leur dîn. Wa tajhil ulama'ihim. Et à dire que leurs savants étaient des ignorants. Le shir ici, il est daté très ibarati. Il est très précis dans ses expressions. Il dit pas ça au hasard. Il y a une chose que j'aurais voulu vous dire au début du dars. C'est que certains mashaykh, ils disent que certains dans la sa'il, on voit la différence. Si elles ont été écrites au début de la da'wah du shaykh ou à la fin de la da'wah du shaykh. Ça, ça a été écrit à la fin de la da'wah du shaykh. Après plus de, après des dizaines et des dizaines d'années de da'wah au tawhid. Hein, Là, le cheikh, il a l'expérience de la da'wa. Il a vécu la da'wa. Il a établi l'émirat islamique qui gouverne toute la péninsule arabe, l'état de Tawhid, le premier état de Saoud, de l'imam Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, et de l'imam Abdelaziz ibn Mohammed al-Saoud, rahimahullah. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire au début, quand il leur a enseigné le tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a mis en garde contre le shirk, il leur a enseigné le tawhid, jusqu'ici, entre guillemets, tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'il ait passé l'étape suivante. La première étape, c'est quoi? Insulter leur dîn, dire que leur dîn, c'est du shirk. Le dîn, votre dîn, et le dîn de vos pères, c'est du shirk. Hein? Et le deuxième, le fait de dire que leurs savants sont des ignorants. Aujourd'hui, si tu fais face aux gens du shirk et aux gens de la bid'a, et que tu commences à leur parler du tawhid, ça va. Tu commences à les mettre en garde contre le shirk, ça va. Des gens moins bien, mais ça va. Tu commences à leur dire, oui, mais tu sais, la démocratie, la laïcité, l'adoration des tombes, le raft, etc., etc. Tout ça, c'est du shirk akbar. Des religions de kufr, c'est le djahiliya. C'est l'enfer éternel, etc., etc. Là, ça va plus. Et si tu lui dis en plus que ces savants qui appellent à la démocratie, ces savants qui rendent permis ce que Allah a interdit, et qui égarent les foules, et qui les préservent, et qui les précipitent tous dans l'enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, du'atun ala abwaab jahannam, man ajabahum, fadafuhu fih. Les prêcheurs aux portes de l'enfer, celui qui les suit, ils les précipiteront dans l'enfer. Parce que tu commences à leur dire cela, c'est là que ça va bloquer, entre guillemets. فحينئذ شمروا له ولاصحابه عن ساق العداوه وقالوا سفه احلامنا وعاب ديننا وشتم الهتنا. C'est là qu'ils ont commencé à faire preuve d'inimité envers le prophète et envers ses compagnons. Tout ça, c'est à Mecca, au tout début de la révélation. Hein? Et ils ont dit trois choses qu'on retrouve dans la sira. Safiha ahlamana, wa abadinana, il a insulté notre dîn, wa shatama alihatana, il a insulté, ou il a critiqué notre dîn, plutôt, et il a insulté nos divinités. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. Et il est connu que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a jamais insulté Isa ibn Maryam عليه السلام, que les chrétiens adoraient. Il n'a jamais insulté les anges, que les mushrikines adoraient. Il n'a jamais insulté les pieux, que les mushrikines aussi adoraient. Hein? Mais quand il leur a dit juste qu'on ne doit pas les invoquer, et qu'ils n'amènent pas le bien, qu'ils ne repoussent pas le mal, ils ont considéré cela, et ils ont fait de cela une insulte. Vous avez compris? فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Si tu as su cette question là, tu sauras que l'homme ne sera pas sur le din, ou le din de la personne et l'islam de la personne ne sera pas droit, même s'il unifie Allah et qu'il délaisse le shirk, jusqu'à ce qu'ils prennent les mouchriquines à l'unité. C'est-à-dire, il faut tout ça. Il faut délaisser le shirk, il faut unifier Allah dans l'adoration, et il faut adawat al-mouchriquine, prendre les mouchriquines à l'unité. Al-adawa, le minimum, c'est quoi? Takfir al-mouchriquine. Hein? Antaj ala al-mouchriq fi udwa, ou anta fi udwati, ukhra. Al-adawa, c'est quoi? C'est que tu mettes le mouchriq dans un coin, et que tu te mets toi dans un autre coin de la pièce. معنى العداوة أن تكون في عدوة والضد في عدوة أخرى صار يدخل بيوان في الدورة الثانية على page 305 du même مجلد du volume 8. Il faut aussi leur dire clairement, leur exprimer clairement l'inimité et l'albarda, et la haine qu'on a envers eux. Et ça, ça se réalise par quoi? Ça se réalise par quoi? Par les trois choses les plus dures au niveau du tawhid. Les trois choses les plus dures au niveau du tawhid. Parce que le tawhid enseigné de manière théorique, on s'est fait dans les universités, dans le ma'ahid, dans les instituts, et dans certaines mosquées, avec l'autorisation des tawarit, dans les pays arabes, par exemple, les pays musulmans en général, entre guillemets musulmans, et comment ça s'appelle, toutes ces choses-là, c'est du tawhid théorique. Mais tasrih bil adawa, parce que la personne, il veut être vraiment sur l'islam authentique, il a eu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit c'est quoi? Tark al-shirk, de laisser le shirk, premier niveau. Fa'in tabu, wa aqamu salat wa atu zakat, fa'in khalifu fi din. De laisser le shirk, tawhid Allah, le fait d'unifier Allah par l'adoration, unifié par le tawakkul, unifié par l'amour, par la crainte, par l'invocation, par le ta'akum, par la demande de jugement, par le dhabh, par le nadhr, par le tawaf, par le salat, etc., etc. Et adawat al-mushrikin, le fait de prendre l'animité des mushrikin. Et ça, c'est possible que par les asar, asar al-tawhid, ce qu'on appelle les traces, hein. Les traces que laisse le tawhid dans ta vie, ya Abdallah. Sinon rien, on en a parlé déjà. Mais rien. Bourd al-mushrikin, le fait de détester les mushrikin. S'ils se prétendent de l'islam, adif salat khalfahum. Wa adam akl dhaba'ihim. وعدم النكاح منهم وقتالهم عند القدرة والهجرة من ديارهم نعم le fait de les mouchriquins c'est quoi faire leur takfir déclarer comme étant des mouchriquins les gens qui ne sont pas sur l'islam hein? S'ils se prétendent de l'islam ne pas prier derrière eux ne pas manger leur sacrifice ne pas se marier avec eux faire le hijra de leur terre lorsqu'on a la capacité hein? Et ensuite, combattre les mushrikins lorsqu'on en a la capacité. Tout cela, c'est les réalisations du tawhid. C'est asar al-tawhid. Et ici, comme preuve, le verset qu'on a déjà cité avec le tafsir de Ibn Taymiyyah, de Sa'di, etc., etc. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit à Allah et à son messager. Yuadduna man haddallah wa rasoula. Et qui prennent pour allier ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Qui prennent Allah et aujourd'hui, jour dernier, qui prennent pour allier ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. C'est pas possible. La ishtami'u zalika ma'al iman. Ça ne peut pas se rassembler avec l'iman. Ça veut dire que pour avoir l'iman, il faut faire adawat al-mushrikin. فإذا فهمت هذا فهما حسنا جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا يعرفونها. Si tu as compris cela d'une bonne compréhension, tu sauras que la plupart des gens qui prétendent être dans le din, que la plupart des gens qui prétendent être dans le din ne connaissent pas cela. Ils ne connaissent pas cela. وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. Sinon, comment les musulmans, c'est-à-dire les sahaba, les premiers musulmans, auraient-ils patienté face à l'adab, face à la torture, face à la prison, face au coup, face à l'hijra et l'al-habasha, le fait de faire l'émigration à l'habasha, en Abyssinie, ils ont quitté la Mecque, qui est le pays d'Ibrahim, alayhis-salam, qui était leur terre, qui était l'endroit où ils étaient nés. Certains, c'était des notables, des nobles, des gens riches. Et ils ont quitté, ils ont subi tout ça. Al-azab, la torture, al-asr, la prison, al-darb, le fait d'être frappé, le fait de faire l'hijra, d'être obligé de quitter leur terre pour aller en Abyssinie, en Afrique. Pourquoi tout cela? À cause de l'adab, adawat al-mushrikin. À cause du tawhid. Tout ça, c'est entre guillemets le prix à payer pour le vrai tawhid. D'accord? Tout ça, c'est le prix à payer pour le vrai tawhid. Ma'annahu sallallahu alayhi wa sallam arham al-nas. Walau lam yajid lahum rukhsatan, walam yajid lahum rukhsah. فلو وجد لهم رخصة لأرخص لهم Et si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la plus miséricordieuse des créatures, c'était le plus miséricordieux des hommes, d'accord? S'il avait trouvé une dérogation pour eux, il leur aurait donné cette dérogation. Vous comprenez ce que je veux dire? Si le fait de faire al-kufr bit-taghut, de prendre à l'unanimité les mushrikine, c'était entre guillemets, excusez-moi cette expression, en option, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à toute cette persécution, quoi que ce soit, il leur a dit, c'est bon. Là, entre guillemets, laissez tomber. Mais là, il leur a dit, non, c'est bon. Bilal, alayhi salam, une grosse pierre sur le torse, et il répétait, ahad, ahad. Ammar, Yasser et sa femme Soumaya, radiallahu anhuma, ils ont été assassinés par les Tawarik et Quraysh, dans les premiers temps de la révélation. Pourquoi cette adawa? Si l'islam, c'était ce qui nous présente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on puisse vivre avec les kuffars, en tant que citoyen, et une bonne vie, quoi que ce soit, et tout le monde s'entend, pourquoi ces compagnons, ils ont été persécutés? Quraysh, ils étaient pires que les kuffars de l'époque? Pourquoi Ibrahim, de notre époque? Pourquoi Ibrahim, alayhi salam, il a été jeté dans le feu? Pourquoi Pharaon, il a voulu tuer Moussa, alayhi salam? Il a dit à Pharaon, aqtul Moussa, ou l'yad'u Rabbah. إني أخاف يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Il a dit, laissez-moi, je vais tuer Moussa. Et qu'il invoque son Seigneur. J'ai peur qu'il change votre religion. Et qu'il fasse apparaître la corruption sur la terre. Vous avez vu comment Pharaon, il a présenté les choses, comme il présente les choses à notre époque. Si on les laisse, ces gens-là, bon, c'est ce qu'ils disent. C'est Takfiriyin, c'est Shismu, Mufsidin, Khawarij, comme ils disent, extrémistes, comme ce soit, si on les laisse, ils vont semer la corruption sur la terre. Avec quoi? Pourquoi ils disent ça? Avec leur tawhid, avec leur kufr bit-taghut, avec les gens ailleurs qui veulent appliquer la sharia, d'accord? Kayfa qad anzala Allah alayhi wa min an-nas man yaqulu amanna billah fa-idha udhiya fi Allah ja'ala fitnatan lin-nas ka'adhabillah. Le cheikh se base sur un dalil dans tout ce qu'il vient de dire. Il dit, كَيْفَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Et Allah a fait descendre sur son prophète le verset qui signifie, le verset, c'est le verset de surat Al-Ankabut, la surat 29, le verset 10. Parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah. Puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, il considère l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Il a dit Ibn Abbas, dans Tafsir Ibn Kathir, يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. Ça signifie quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle apostasie à Allah lorsqu'il est persécuté dans le sentier d'Allah. Les gens, lorsqu'ils ont, qui ont une épreuve, ils apostasient. Al-Ridda, elle a plusieurs formes, hein, d'accord? Il y a la Ridda complète, la personne, il apostasie de l'islam ou il fait du kufr, hein. Lorsqu'il est persécuté, par exemple, pour son dîn, il va prendre le kufr comme allié, hein. Par exemple, en dénonçant ses frères ou des choses comme ça. Bon. Je recommence sur voilà. Le cheikh ensuite, il se base sur le verset pour appuyer ce qu'il vient de dire. Sur le verset où Allah Azza wa Jalla dit, Subhana, wa min al-nas man yaqulu amanna billah, fa iza udhiya fi Allah ja'ala fitnata an-nas ka'adhabillah. Et parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah. Et lorsqu'ils sont persécuté en Allah, il considère cette persécution comme un châtiment d'Allah. Ibn Abbas, il a dit à propos de ce verset, comme c'est revenu dans Tafsir Ibn Kathir, يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. Sa fitna, c'est qu'il l'apostasie de sa religion lorsqu'il est persécuté en Allah. C'est-à-dire lorsqu'il est persécuté à Allah par les kuffars. Et il dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, فَإِذَا كَانَتْ هَذِي الْآيَةَ فِي مَنْ وَافَقَهُمْ بِلِسَانِ فَكَيْفَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. Et si ce verset est descendu sur une personne qui montre son accord avec les kuffars juste par la langue, que dire alors des autres? C'est-à-dire de ceux qui carrément rentrent dans le din des kuffars et pratiquent le shirk avec les kuffars. Ça signifie ici, c'est très important de réfléchir sur cette question-là. Comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, de ces personnes qui apostasient lorsqu'ils subissent l'épreuve. Lorsqu'ils subissent l'épreuve, ils apostasient. Il y a plusieurs sortes d'apostasie lorsque l'épreuve vient. Il y a la personne qui va dénoncer ses frères, par exemple, c'est-à-dire apostasier dans le sens où il fait un acte de kufr, il fait la huitième annulation de l'islam, il va aider les kuffars contre les musulmans. Il y a les gens qui apostasient, qui par exemple, qui vont être emprisonnés, ou moins que cela, qui vont commencer à être surveillés, par exemple, par les Tawarites, Mansaro, hein, ou qui vont, par exemple, perdre leur situation dans la dunya, et qui vont délaisser directement le tawhid. Ils vont délaisser directement le kufr bit-taghut, ou les projets de l'hijra, ou quoi que ce soit, d'accord? Ou al-ijtima' ma l'ikhwan, ma al-muwahidin, le fait de se rassembler avec les muwahidin, etc., etc. Par peur de la persécution. Ça rentre dans ce verset-là. Si par peur des partisans du shaitan, tu délaisses une partie de ton din, ça rentre dans ce verset-là. Si les sahaba, ils avaient fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Alhamdulillah, ils n'ont pas fait ça. Ils ont soif, ils ont patienté, avec tous ceux qui sont morts au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Fath Makkah, à la conquête de la Mecque, quelques années plus tard. Qui aurait pensé que Bilal, radiallahu anhu, qui a été persécuté, quelques années après, il allait voir la conquête de la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rentrait, à la Mecque en conquérant, et les kuffars de Quraysh, une partie qui est mort à Badr, une partie qui a été tuée dans les autres batailles, une partie qui est rentrée dans l'islam, une partie qui se cache, une partie qui se pend au rideau de la Kaaba pour pas être tuée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui aurait pensé ça? وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Souvenez-vous, lorsque vous étiez faible sur la terre, hein, que vous étiez peu et faible sur la terre, vous craignez que les gens vous kidnappent littéralement, c'est-à-dire vous enlèvent. Fa'awakum wa yadakum bi nasri. Et Allah vous a donné le refuge et vous a appuyé de son secours. Wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun. Et vous a donné des bonnes choses afin que vous remerciez. Cette promesse, inshallah, elle n'est pas simplement pour sahaba du prophète. Le Coran, il est, comme on l'a dit, en tout temps et en tout lieu. Celui qui remplit les conditions, il aura la promesse d'Allah. Mais la promesse d'Allah, elle est conditionnée. La promesse d'Allah, la promesse de la victoire d'Allah, du secours d'Allah, tout ça, c'est conditionné. Hein? Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah défend ceux qui ont la foi, l'iman. L'iman al-kamil, la foi complète. Une fois qu'on a la foi complète, Allah il nous défend et il nous secourt. Tant qu'Allah il ne secourt pas, c'est qu'on n'a pas la foi complète. Masallah, il y a besoin de l'iman al-kamil. Et le verset, le sens du verset, pourquoi le citer là? C'est quoi? وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens, il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Le troisième enseignement, le mawdi'u al-thalith. قصه قراءته صلى الله عليه وسلم سوره النجم بحضرتهم فمن لما بلغ فرايتم اللات والعزى القى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وان شفاعتها لترتجى فظنوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك فرحا شديدا وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد ونحن نعرف أن الله نافع الدار وحده لا شريك له ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة فراجعوه فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر ما كانوا عليه. Le troisième enseignement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la révélation, il a lu une fois le début de Surat al-Najm, les étoiles, ou l'étoile. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, afara'aytum al-lat wa al-uzza, avez-vous vu al-lat et al-uzza, c'est-à-dire deux idoles qu'ils adoraient les musulmans de Quraysh. Hein? À ce moment-là, Shaytan, il a lancé une ambiguïté. Il a lancé une ambiguïté au milieu des mushrikines. Et il a dit, تلك الغرانيق العلا, ceux-là sont الغرانيق. وإن شفاعتها لترتجى. Et leur intercession est espérée. C'est-à-dire, elle a mis une ambiguïté dans le verset, comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit ça. D'accord? Et leur intercession est espérée. Les mouchriquins, ils ont cru que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit cela. C'est-à-dire, en fait, qui disait que, effectivement, on pouvait avoir l'intercession de leur divinité. D'accord? Ils ont été contents d'entendre le prophète dire cela, comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait dire du bien de leur tawarit. Vous voyez? Et ils ont dit, ce qui signifie, et dit le Cheikh Mohammed, c'est ça que nous voulons. Et nous savons qu'Allah, c'est lui qui donne le bien et qui enlève le mal. Taïb. Seul, sans associé. Mais cela, nous les prenons comme intercesseurs en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la surat, s'est prosterné, parce qu'il y a une prosternation dans cette surat, les mouchriquins se sont tous prosternés avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors, l'information s'est répandue comme quoi, Quraysh, ils étaient rentrés dans l'islam. Vous avez compris l'ambiguïté? Les Quraysh, ils pensent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit du bien de Tawarit, et les gens, ils pensent que Quraysh, ils sont prosternés avec le prophète, donc ils sont rentrés dans l'islam. Hein? Et quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a expliqué qu'ils n'avaient pas dit cela, ils ont redoublé encore plus de persécution. Cette histoire-là, elle est citée dans le tafsir Ibn Kathir, mais pas dans le tafsir de Surat al-Najm. Dans le tafsir de Surat al-Hajj. Dans le tafsir de Surat al-Hajj. Le verset 52. Allahu A'lam, elle est rapportée selon des hadiths. Selon des isnad, des asanid qui ne sont pas sahiha. D'accord? Mais elles sont rapportées dans un livre de tafsir. Parmi ceux-là, d'At-Tabani. ابن كثير رحمه الله يزيد عن التفسير وهذا مرسل حديث مرسل سيرة بختي التابعين enseignement qui va en tirer le cheikh c'est le suivant. L'enseignement, il est le suivant, c'est que Al-Mushrikin, ce qu'il voulait depuis le départ du prophète, c'est le compromis. qu'il fasse une compromission. C'est ce que veulent les kofars à notre époque. Ils veulent qu'on trouve un moyen pour trouver un compromis entre l'islam et l'jahiliya, entre le tawhid et le shirk. Ils veulent qu'on trouve un compromis entre la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et la démocratie. Ils veulent qu'on trouve un compromis entre la salafia et le soufisme. Ils veulent qu'on trouve un compromis entre ce qu'ils appellent le sunnisme et le chiisme. Ils veulent qu'on trouve un compromis. Et le mouahid, il ne fait pas de compromis. Aucun compromis en ce qui concerne le tawhid, et même en ce qui concerne la sunna. Il n'y a pas de compromis entre la sunna et la bid'a. D'accord? Il n'y a pas de compromis avec le mushrikin, il n'y a pas de compromis avec Ahl al-Bid'a. Et ça, il n'y a pas de compromis entre le tawhid et le shirk. Ça, c'est la voix d'Ibrahim alayhi salam, c'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولما قالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة نزل قوله تعالى يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال المشركين سوين يزن ديو بخفات صلى الله عليه وسلم on adore Allah une année et toi t'adores nos divinités une année, c'est-à-dire t'adores Allah et nos divinités, puisque ils adoraient Allah aussi, les musulmans. On l'a déjà amplement démontré à travers les écrits d'Ahl al-Ilm et les preuves du Coran, la sunna avant tout. Et les mouchriquins, ils veulent du compromis. Aujourd'hui, ils disent quoi dans le monde islamique? Ils disent, écoutez, vous êtes des musulmans, vous voulez la charia, soi-disant, il va falloir vous passer par le processus démocratique. D'accord? Tu rentres dans le shirk pour arriver, soi-disant, au tawhid. Vous voyez? Alors, le bid'a, ils te disent quoi? Écoute, tu vas venir dans la mosquée, tu vas faire un cours, ou tu vas venir dans la mosquée, mais il y a quand tu te calmes, on ne parle pas contre nos bid'a, on ne parle pas contre notre démocratie, on ne parle pas contre nos alliances avec les kuffars. Mais à part ça, tu peux parler de fiqh. Tu peux aller faire une belle khutbah de Jumu'a sur El Kadib. Hein? Tu peux t'asseoir avec eux. Tu peux... Est-ce que ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ça c'est les pratiques des salafs? Inch'Allah. Que ce soit les prophètes, Ahl al-Tawhid ou les salafs. Et ça, c'est ni avec les mouchikis, ni avec Ahl al-Bid'a. Et ils faisaient aucun compromis avec eux. N'aam? Waddu la utudihinu fayudihinun. Y'a pas de compromis. Al-amr. Imma tawhid ou shirk. Imma sunna ou bid'a. Imma islam ou imma jahiliya. Y'a pas de demi-mesure. Le cheikh finit sur cet enseignement en disant ولما قالوا له انك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى انزل الله عليه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. Et lorsqu'il lui dit cela, c'est-à-dire qu'il avait fait l'éloge de leur divinité, entre guillemets, alors qu'il ne l'a pas fait, il a eu très peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu peur de quoi? Il a eu peur du châtiment d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait descendre ce verset, ce qui signifie, nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui ait récité ce qui lui a été révélé sans que le shaitan ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Ça, c'est la traduction plus le texte. Hein. فمن فهم هذه القصة النمرو دو فيرسي سي لو فيرسي نمرو 52 دو سورة الحج سورة 22 سورة 22 فيرسي 52 فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله. Celui qui a compris cette histoire là, les enseignements qu'il en a tiré, et qui doute ensuite sur la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne fait pas la différence entre elles, entre la religion des mouchriquines et entre les religions des mouchriquines, qu'Allah l'éloigne. Fa'aba'adahu Allah. C'est une dua. Yarhamukallah. Qu'Allah l'éloigne. Khususan, in arafa anna qawlahum, tilka al-gharaniq al-mala'ika. Surtout si tu as su que quand il a dit al-gharaniq, il voulait dire al-mala'ika. C'est-à-dire qu'en fait, les mouchriquines, râlaient parce qu'ils adorent ce qu'on appelle le malaïka. Ils voulaient juste l'intercession des anges. Ils adoraient les anges, c'est-à-dire les invoquer pour avoir leur intercession. D'accord? Dans notre époque, l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'aujourd'hui, les mouchriquines, par exemple, le cirque de la démocratie, c'est le cirque dans le jugement et la législation, comme on le dit, comme on le répète, ils veulent juste de nous, ils veulent juste des gens du tawhid, comme quoi tu acceptes de participer à leur démocratie. Tu acceptes leurs lois, leur citoyenneté, les choses comme ça. Tu mets de côté le voilà, le voilà. Et eux, ils t'acceptent le fait que tu adores Allah, que tu es musulman, que tu fasses la salat, le hijab, tout ça. Bon, les extrémistes parmi eux, parmi les francs-maçons, les gens comme ça, ils aiment pas ces aspects-là. Ils sont prêts à t'accepter en tant qu'adorateur d'Allah. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tu dis pas qu'ils sont des mouchriquines, que leur démocratie, c'est du shirk, que leur laïcité, c'est du shirk, qu'il faut détester les kuffars, qu'il faut faire le wala wal bara, qu'il faut faire le hijra, qu'il faut faire le jihad, qu'il faut appliquer la sharia, etc., etc. Tu dis pas ça, c'est bon, on t'accepte. D'accord? Compromis. Compromis. Aujourd'hui, dans la da'wah tawhid, ça signifie, ils veulent que tu délaisses surtout le takfir des mouchriquins. Tu peux aller parler du tawhid, comme quoi il faut adorer qu'Allah, il faut invoquer qu'Allah, il faut sacrifier que pour Allah, que ce soit, il faut prendre juge qu'Allah. Mais si tu commences à dire, mais tabihou, hein, avec le respect que j'ai pour vous, vos grands-mères qui tournent autour des tombes, c'est des mouchriquettes, hein. Vos grands-oncles qui sacrifient sur les tombes, les poules noires, quoi que ce soit, c'est des mouchriquines, hein. Ils rentreront jamais au paradis, hein. Allah ne pardonne pas. Là, par contre, ça va pas du tout. Si tu restes théorique sur le jugement et la législation, quoi que ce soit, ça ira. Et si tu commences à leur dire, tous les gouverneurs, là, qui gouvernent par autre loi que celle d'Allah, les gouverneurs, leurs ministres, leurs parlementaires, et en plus, leur armée, leurs policiers, leurs services secrets, ce sont tous les kofars, les mouchrikines et les murtaddines, là par contre ça va coincer. Et ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez qu'ils leur impriment leurs livres, par exemple en Arabie, parmi les contemporains qui parlent de ces questions-là, sachez que c'est parce qu'ils font jamais un tatbiq, jamais ils font l'application. Ou jamais ils n'osent parler du petit début d'application. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème avec les savants du Nejd, par exemple. C'est que les savants du Nejd, ils ont expliqué le tawhid de manière théorique et ils l'ont appliqué de manière pratique. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a fait sa da'wah al-tawhid. Et puis quand il a talab al-nusra, il a cherché le secours des chefs de tribu. Et quand l'imam Mohammed Saoud lui a porté secours, il a combattu les mouchrikines dans la péninsule arabe. Il n'est pas allé combattre les bouddhistes en Chine, hein, ou les chrétiens en Occident, je sais pas où, non. Il a combattu les villages de Ubad el-Qubur, d'adorateurs de tombes, dans la péninsule arabe. Et après, il a combattu les Rawafid et Ubad el-Hussein, radiallahu anhu, en Irak. Vous voyez ce que je veux dire? À notre époque, ceux qui font revivre ce ménage, c'est ceux qui appellent au tawhid et qui après combattent les mouchriquins dans notre époque. Parmi les adorateurs de la démocratie, parmi les adorateurs de tombes, parmi les Rawafid, etc., etc. En associant ce critère à la da'wah tawhid, et lorsque les terres sont conquises, en appliquant la sharia d'Allah dessus. C'est ça, le minhaj des prophètes, c'est ça, le minhaj des salaf, de l'ulama rabbani. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.